بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد طيب أمس أخذنا ظواهر جديدة عندك يا محمد بارك الله فيك si tu veux nous dire que cette maison elle nous appartient tu dirais quoi à nous là à nous, c'est toi qui nous, tu nous dis ça. Non, toi t'as rien à voir. Tu parles à nous. Baytoukoum. Et si tu. C'est notre maison. Baytouna. Barakallahu fik. Taïb. Taïb. عندك يا إيمان si tu dis au frère toi tu es parti c'est quoi dhamir ici en parlant au frère Anta kharajta ou dhahabta partir c'est dhahaba et sortir c'est kharaja essaye de ne pas confondre ces deux verbes là kharaja c'est sortir dhahaba c'est partir Anta dhahabta et si c'est un groupe de frères à qui tu dis ça je t'aide hein? Tu nous dis à nous Antum Antum dahabtu. Taïb, Inch'Allah. Ça, c'est le pluriel quoi, ça pluriel masculin. Comment on dit en arabe, ça C'est majmou. Majmou. Jam' mudakkar. Barakallahu fik. Taïb. Comment on dit le petit-fils Hafid. Taïb. La Grèce Lyon. Lyon. Non. Parce qu'il dit Lyon. Yannoun ou autre. Non, Andé. Younan. Très bien. Barakallahu fik. Comment on dit un pays Bilad. Al-Balad. Balad. Le pluriel, Bilad. Taïb. Tribunal. Al-Mahkama. Taïb. Bismillah. On n'avait pas lu le texte, hein. Ad-Dars al-Khamisa Ashar. Taïb. Bismillah, frère. Ouais, tfadal. Assalamu alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Min antum ya akhawat. Min antunna ya akhawat. Ya akhawat. Min antunna ya akhawat. Suivant. Nahnu banatu al-Sheikh Abbas. Naam. Ahadan. اهلا وسهلا ومرحبا نعم tu poses un peu le ton ام كنا استاذتي لا استاذتي نعم كيف حالها هي Il y a Bekhayrin. J'ai lu ça, les frères. Normalement, le texte, il doit être lu, là. On va prendre au moins 10 minutes, on dira, à cette allure-là. Il y a Bekhayrin, alhamdulillah. Non, suivant. Il rattrapera. Lui, après lui, il va rattraper avec un Bekhayrin. Aïna hiya al-an. Aïna hiya al-an. Hiya al-an fi Riyad. Mata zahabtu. Mata zahabat. Mata zahabat. ذهبت قبل أسبوع. نعم. من ذهب؟ يا بيا الله يبارك فيك. من؟ وعلى من ذهب؟ معها. ذهب معها أخونا إبراهيم. نعم ذهب مع أخونا إبراهيم. زينة بوا بيشوف تفضل عبد الله. كيف حالكم؟ Rapproche-toi sur combien de personnes là. Voilà. On est serré mais ici. Au suivant. نحن بخير والحمد لله. في أي مدرسة أنتن؟ نعم في أي مدرسة أنتن؟ Au suivant. السلام عليكم.